voudrais remercier Michel Barthélémy pour son invitation. On m'a dit que j'allais m'encanailler à l'EHESS et on m'a demandé si c'était bien raisonnable. Bon, je considère que si on ne peut plus parler avec nos collègues, ça devient quand même assez inquiétant. Je crois que j'ai un thème un peu proposé, c'est l'association à Paris 2. Donc je vais vous dire rapidement ce que nous pensons faire, ce que nous espérons faire, et puis peut-être répondre à vos questions. Alors, nous sommes dans une situation un peu particulière par rapport aux autres universités, parce que nous faisions partie des rares presses qui s'étaient créées sous forme de fondation de coopération scientifique. C'est un statut de droit privé, et donc nous avons échappé à la transformation automatique en communauté d'universités et d'établissements. Et si, en dépit des pressions du ministère précédent, le choix de la fondation de coopération scientifique a été fait, c'est parce qu'il y a dans notre université une réserve assez instinctive, mais aussi raisonnée à l'égard de toute forme de regroupement qui aboutirait au fond à nier les spécificités disciplinaires, qui aboutirait à intégrer des structures dans lesquelles les forces vives de l'université finalement ne seraient plus représentées, ne seraient plus entendues ou contraintes à des coopérations qui sont naturelles lorsqu'elles partent des intéressés, lorsqu'elles partent des acteurs, et qu'ils paraissent beaucoup moins lorsque tout ceci est une réponse obligée à des structures ou des superstructures qui, finalement, me semble-t-il, rendent le paysage beaucoup plus opaque et n'ont pas d'effet réel en termes de progrès, d'enseignement, de recherche ou autre. Donc, Paris 2 avait bien intégré un PRES, Sorbonne Université, avec 4, 6 muséums, et puis tous les organismes auxquels il vient d'être fait référence. Ce PRES a mal fonctionné, en ce sens qu'aucune décision n'a vraiment été prise, qu'il y a eu vraiment des dysfonctionnements assez importants, et qu'au bout de quelques mois d'avertissement privé, puis d'avertissement public, Panthéon Assas a décidé de sortir, de quitter Sorbonne Université, comme elle était en droit de le faire, puisque, non pas dans les statuts officiels, enfin si, dans les statuts, mais pas dans l'IDEX, dans les statuts du PRES, il y avait une clause de retrait. Clause de retrait qui a été utilisée donc pour quitter le PRES, après les pressions que vous imaginez, pour que nous ne quittions pas le PRES. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une situation que certains enviraient peut-être, parce qu'elle implique un peu de choix, mais une situation aussi très contrainte, puisque le nombre de partenaires est par définition limité, puisque aucun autre PRES n'a éclaté, quelles que soient les nouvelles diverses que l'on entende, notamment à Paris et en Île-de-France, sur la situation de certains d'entre eux. Donc, il me semble que le vœu collectif de l'université que je préside, c'est une structure associative. C'est l'association prévue par la loi de juillet dernier. Pourquoi pas une communauté d'université établissement? Je crois que je ne vais pas vous faire des dessins pour tous les désagréments que peuvent représenter ces structures. J'ai vu que celle de Saclay avait un conseil académique de 220 membres. Ça fait rêver. On peut faire court à 220 étudiants, mais gouverner un conseil de 220 membres, cela paraît assez difficile. Et au fond, ce sont toutes ces superstructures servant des pouvoirs de plus en plus éloignés des étudiants, des professeurs, des maîtres de conférences et aussi des personnels, je crois, qui commencent à s'inquiéter, dont nous ne voulons pas. Or, l'association, qui, je crois, recueille l'assentiment général, nous avons en revanche des interrogations sur les partenaires. Nos collègues, je salue Olivier Beau qui est présent, nos collègues étaient relativement partagés entre une association faite autour de nous, c'est nous garantissant un contrat propre, donc un site particulier, donc association qui consisterait pour l'Institut catholique, parce qu'il n'y a pas d'autres membres à s'associer à nous, c'est une affaire administrative, c'est-à-dire on fait un contrat avec le ministère, on conclut un contrat de site et ensuite nous gérons ce que nous voulons. Et puis des partenariats complémentaires avec ce qui sont indispensables à nos étudiants, avec HEC et Centra. Je crois que tout ça a circulé dans la presse et Mme Mascret a dû le faire passer. Enfin, je sais qu'elle l'a fait passer. Donc, l'autre solution d'association toujours, c'est l'association à Sorbonne Université, que nous avons quittée, mais certains de nos collègues, pour des raisons positives, trouvant, et c'est tout à fait leur droit, des éléments favorables, souhaiterait renouer des liens avec Sorbonne, et pour des raisons négatives, c'est-à-dire ne voulant pas de l'ICP, l'Institut catholique privilégie l'autre solution. Donc, à ce jour, certains de nos collègues sont en discussion avec les membres de Sorbonne. Je les ai vus aussi ce matin. Mais il est clair qu'il s'agit de se mettre d'accord sur une convention d'association qui pose des difficultés à l'égard de la loi parce que, tout ça n'est pas encore assez avancé, mais je ne suis pas sûr que nous entrions entièrement dans le cadre législatif. Donc, il faut encore travailler sur ces questions. Mais le grand débat aujourd'hui, c'est commu ou association, je crois. C'est le thème de la journée. Donc pour nous, la communauté d'université et établissement, enfin pour moi en tout cas, je n'ai pas engagé mon université, est un mauvais service que les ministères successifs, en aggravant à chaque fois les contraintes institutionnelles et administratives, rendent aux universités qui n'avaient, à mon sens, vraiment pas besoin de tout ça.